Débutant cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation, j'aurai le devoir de corriger mon tir erroné de la semaine dernière. Il n'y aura pas de Decapitated en présentation. Mais à la place, une formation italienne trash metal qui se démarque de ce courant très saturé, qui porte le nom de Game Over. Aussi, explorons ensemble la dernière parution des Allemands d'Accept, soit Blind Rage. Mais comme entrée, je vous propose quelques vieux os encore garnis de quelques morceaux de viande plus que passé date. Et le tout avec une musique d'ambiance finement choisie. Parce que je suis un autre hors pair, n'est-ce pas? Et surtout parce que vous êtes à réanimation et que vous devrez prier pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause Pendragon said so. In Memoriam, Denis Damour, alias Piggy, 26 août 2005. Go!

cet été. Passez 3 heures en compagnie de Mathieu Plante et de ses chroniqueurs variés. Vous y retrouverez toutes vos chroniques préférées, comme C'est un fait, Kinky Sexy Time, Ça existe mais ça ne devrait pas, on l'a, Les instructions d'assemblage et bien d'autres. Assemblage requis tous les jeudis de l'été de 15h à 18h après les palmarès C'est fou. Pour connaître les heures de rediffusion, visitez c'estfou.ca. Opinion libre. Nouveau concept à Trois-Rivières. Vélo, café, sandwich. Vente, location et réparation de vélos en tout genre. Dépositaire des marques Gazelle et leurs vélos hollandais, Linus et ses vélos au look vintage. Sans oublier les vélos pliants de chez Turn, ainsi que les vélos fixes Pure Fix Cycle. Opinion libre, c'est aussi un café et une sandwicherie dans une ambiance chaleureuse. Opinion libre, 1000 boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières. Chaque mercredi midi de l'été, Saint-Onis C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Je souhaite pas la bienvenue en cette édition de réanimation, la dernière de août, le 26 de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Juste avant cette pause publicitaire, c'était la première présentation de ce début d'émission qui était constituée de ce qui suit. Hell of Bullet. Et la pièce Full Scale War, que l'on retrouve sur On Divine Winds, qui est parue en 2010 sur Metal Blade. Exodus. Et la pièce Burn, Hollywood Burn, que l'on retrouve sur la dernière parution, mais pour encore peu de temps, de cette formation américaine, soit Exhibit B, The Human Condition, qui est parue en 2010 sur l'étiquette Nuclear Blast. Juste auparavant, nous avions Slayer. Et la pièce Born of Fire. Oui, j'ai de la suite dans les idées, hein. Born of Fire, Burn, Hollywood Burn. OK, laissez faire. C'est tiré de Seasons in the Abyss qui est paru en 1990 sur Def American. Et je suis toujours surpris un peu de comparer cet album-là, Seasons in the Abyss, avec Raining Blood. Comment Seasons in the Abyss ne sonne pas? Je veux dire, pas au niveau des pièces, mais au niveau de la production, comparativement à Raining Blood, qui est quand même pas, là, je dirais, le paroxysme de la production métallique, mais quand même, il y a une petite différence. Puis je pense que les membres du band auraient peut-être intérêt éventuellement à refaire faire des... et peut-être même les reprendre carrément, les réenregistrer pour avoir vraiment l'impact et la puissance qu'on a aujourd'hui. Pie Driver, auparavant, et la pièce Sex with Satan, que l'on retrouve sur à peu près le seul Full Length, je dirais en français, album complet studio. Metal Inquisition, qui est paru en 1984 sur Cobra. Celtic Frost, et la pièce Down of Medigo, pardon, qui est paru sur l'album Tomega Therion de 1985, et le 27 octobre prochain, cet album-là aura quand même 29 ans, là. Ce qui veut dire que c'est rien pour me rajeunir parce que j'ai acheté l'album lorsqu'il est sorti. Faut dire que j'avais 3 ans. Non, mais c'est... je veux vous faire prendre conscience que malgré le fait que cet album-là est quand même... En fait, l'année prochaine, il aura 30 ans. Je trouve qu'il est encore très d'actualité. Il sonne très bien, cet album-là. Il est en fait, au niveau du métal, il était très innovateur aussi. Et en ouverture de bloc, à la mémoire de Denis Damour, alias Peggy de Voivode, qui est décédé le 26 août 2005 d'un cancer, malheureusement, c'était Fix My Heart, qu'on le retrouve sur The Hotter Limits. Album qui est paru en 1993. Le bon album, évidemment, de Voivode. Et aussi un excellent guitariste, faut-il le dire, qui aura contribué énormément en tant que pionnier à cette scène métallique, parce qu'il ne faut pas oublier que Voivod est issu de Jonquière, initialement, même si maintenant il est connu comme étant une formation montréalaise. Donc, ils sont partis d'assez loin avec une musique qui était très, très, très avant-gardiste et très révolutionnaire, au risque de me répéter. Et Denis a fait sa marque énormément au niveau du métal, bien sûr, mais, c'était un fervent amateur de rock and roll, de classic rock aussi. En fait, les deux s'entrecroisent, bien sûr. Et, aura contribué à inspirer beaucoup de musiciens. Donc, malheureusement, il y a 9 ans que Denis D'Amour est décédé. Il y avait deux formations dans ce bloc qui étaient présents au dernier Heavy Montreal. Ben, en fait, le premier Heavy Montreal, puisqu'avant c'était Heavy MTL, mais le dernier festival qui se commettait au Parc Jean-Drapeau, soit Slayer Exodus. Et bien sûr, on sait que Gary Holt d'Exodus, qui est membre fondateur de cette formation, comme Tom Hunting, fait partie maintenant de Slayer. En fait, il fait partie minimalement au niveau des spectacles. Je crois que l'appartenance, entre guillemets, est un peu plus large que ça. Mais je n'y ai pas assisté cette année pour diverses raisons. Le Rockmaster y est allé. D'ailleurs, on saura vous en parler au retour de Rock Classic. C'est vendredi le 5 septembre prochain. Il pourra vous faire les appréciations du dimanche où lequel il y a assisté. Moi, j'étais allé voir certains clips sur YouTube, pour ne pas le nommer, entre autres d'Exodus et de Slayer, pour être agréablement surpris. The Rockmaster avait vraiment raison, c'est une toute autre organisation que moi, ce que j'ai vécu il y a quand même, je dirais, c'est probablement 2 ans. C'est beaucoup plus gigantesque. Les scènes sont énormes. C'est vraiment digne là, des gros, gros major fests qu'on peut retrouver ici, je dirais, dans le monde, principalement peut-être en Europe. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai apprécié vraiment le fait de voir Gary Holt live avec Slayer, parce que je pense qu'il fait un très bon travail. Il est charismatique, Gary Holt. Il est un excellent guitariste. Et je pense que ça fait un excellent complément à Kerry King, qui, lui, malgré le fait que je l'ai trouvé un petit peu plus vivant que la dernière fois que je l'ai vu, est relativement statique. Donc, et j'ai trouvé fort appréciable de leur part, parce qu'il y avait des projections qui se faisaient à l'arrière. Superbe éclairage, d'ailleurs. On retrouverait souvent le logo de Slayer. C'était vraiment une très belle définition. Mais, à un moment donné, on s'est permis de faire une espèce de dommage à... Jeff Hanneman, et retrouver son fameux logo de, pas, non pas Heineken, mais similaire, Hanneman, et c'était marqué vraiment Still Alive, donc c'est vraiment bien de penser à ce guitariste-là qui les a quand même amené aussi très loin. Donc, et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu une forme de compte-rendu de mon collaborateur à distance, qui est nul autre que le Hellborg Tower, avec qui je suis en contact assez régulièrement. Et je vais juste vous donner là un peu, parce que le Hellborg Tower a assisté aux deux journées du festival. Selon lui, en fait, c'est subjectif bien entendu, mais écoutez, ce sont ses appréciations. La meilleure performance de formation, selon lui, Slayer. Et il fait aussi mention d'Exodus et Beyond Creation. Le groupe qui avait la meilleure sonorité sur stage, Twisted Sister, y compris Slayer et Cynic. Les meilleurs choix musicaux, de pièces si vous préférez, Exodus en premier choix, Slayer aussi et Voivod. La meilleure performance vocale, Dee Snider, Twisted Sister. Russell Allen, Symphony X et Mike O.C. Getlad, Death Angel. Meilleure performance guitare. Guitariste, Michael Romero, Symphony X, Gary Holt d'Exodus, et Slayer, bien entendu, et Paul Masvidal de Cynic. Meilleure performance de bassiste, Dominic Forrest Lapointe de Beyond Creation, et Bo de Baby Metal. Je les connais pas du tout, là, je suis sur les petites japonaises, là, mais bon, j'en sais pas plus. Et Michael Pond de Symphony X. Meilleure performance de batteur, Paul Bostaff, bien sûr, qui est rendu avec Slayer, qui avait déjà été aussi avec Slayer. Philippe Boucher de Beyond Creation et Charlie Benante d'Entrax. Meilleure présence sur stage, sur scène, Dee Snider de Twisted Sister, Joey Belladonna d'Entrax, Dan Mongrain de Voivod, Steve Souza d'Exodus, bien sûr, parce que vous savez que Rob Dukes n'est plus avec Exodus, il était remplacé par celui qui était déjà qui avait déjà été un bon nombre d'années pour eux, c'est-à-dire Steve Souza. D'ailleurs, Rob Doe, et n'est pas parti volontairement, d'après ce que j'ai pu lire. Moi, il est comme s'est fait signifier qu'il avait été temps de faire un changement. C'est ce que Gary Holt dit lors d'une entrevue. Les meilleures performances de chansons, Slayer, Necrophiliac, Exodus, Strike of the Beast, Slayer, At Dawn They Sleep, Metallica, Battery, Anthrax, Among the Living, Voivod, Twisted Sister, Stay Hungry, Apocalyptica, Inquisition Symphony, qui suivi de Symphony X, Of Sins and Shadow, et Beyond Creation, Elusive Reverence. Bref, il y a encore beaucoup d'appréciation de Tower. J'essaierai de les mettre en ligne sur le site de réanimation pour que vous puissiez avoir tous les détails parce que je peux passer une partie de l'émission là-dessus. Je vous parlerai plus tard d'une chronique musicale, bien entendu, et d'une chronique cinéma aussi, parce que la semaine dernière, j'avais tellement de stock que je n'ai pu en faire l'énumération complète et s'y rajouter quelques petits trucs aussi. D'ailleurs, il s'en est rajouté mentalement, je n'ai pas eu le temps de transcrire sur le site de réanimation, mais j'ai vu quelque chose d'assez weird le week-end dernier. Je vous en parlerai tout de même, mais j'en ferai une chronique plus étoffée sur le site pour la semaine prochaine. Ceci étant dit, les présentations ce soir étaient... Ben effectivement, je l'ai dit en ouverture d'émission, je corrige le tir, mais à coup le pas. J'avais annoncé la semaine dernière, je l'avais annoncé sur le site aussi, que je présenterais le nouvel album de Decapitated. Ben, c'est moi qui aurais pu se faire décapiter parce que j'étais complètement dans le champ. Ce n'est pas le 26 août, mais bien c'est le 26 septembre. Septembre, en fait, dans un mois, jour pour jour, que sortira Blood Mathra de Decapitated. Donc, je suis vraiment sincèrement désolé, j'ai fait une erreur de date. On saura le présenter en temps et lieu, bien entendu. Mais ce soir, j'utiliserai le terme remplacement, ce qui est pas vraiment approprié, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. J'ai découvert une formation italienne qui donne dans un trash metal. Formation qui porte le nom de Game Over. J'ai été attiré principalement par la pochette, je dois dire. Le logo fait typiquement, me fait penser énormément à Nuclear Assault. D'ailleurs, est-ce que le nom de Game Over vient inspirer du premier album Nuclear Assault? Je n'en ai aucune idée, mais la pochette était quand même assez bien, graphiquement parlant. C'était attirant au niveau des couleurs, donc je me suis dit, ben, je vais aller écouter ce qu'ils font. Et c'est assez pas vilain, je dois dire. Formation qui en est à leur deuxième album complet studio, le premier étant en 2012 et portant le nom de For Humanity. Avant ça, on parle de split album et EP, ainsi un démo en 2009. Formation qui existe depuis 2008, donc relativement jeune. Formation trash, comme je l'ai dit. Et moi, personnellement, le trash metal, j'aime ça, oui, mais je trouve que depuis un certain nombre d'années, on est oversaturé de ce style métallique. Qui semble avoir donné l'engouement à plusieurs jeunes bands qui tentent de revenir en arrière avec les formules old school des années 80, telles Exodus, Slayer et compagnie. J'en pense, c'est des meilleurs, là. Mais ça marche pas tout le temps. Puis il y en a tellement qui se garochent dans ce créneau-là qu'à un moment donné, on devient comme un peu tanné. Donc, avec Game Over, je me disais, bon, trash metal, ben, en fait, OK, j'avais pas trop d'attente, mais c'est assez intéressant, je dois dire. Honnêtement, j'ai été surpris de voir la qualité de ce band, de voir la qualité de leur album, de la production, qui est signée, en fait, l'étiquette est Scarlet Records, qui est quand même relativement connue. C'est pas innovateur, loin de là, parce que comme on le dit, c'est du trash, là. C'est pas innovateur du trash maintenant, là. Ça fait longtemps que ça l'est plus. Mais il reste en même temps que c'est bien. La formule qu'ils ont adoptée, les épices qu'ils ont mis dans leur recette sont quand même bien. Ça me fait penser par moments à les influences du premier album de Megadeth. Ils sont de bons musiciens. Le vocal est pas trop clair, comme souvent, il y a des bands trash qui veulent le faire. C'est qui peut être fatigant assez rapidement. Ici, c'est quand même bien. C'est pas du growl, loin de là. C'est pas un ténor, mais c'est pas non plus un castrat. Donc, c'est assez intéressant. Je vais donner un 7 sur 10. Pour vous en faire une idée, je vous en propose 4 pièces qui sont tirées de ce dernier album qui porte le titre de Burst into the Quiet. Donc, allons-y avec Game Over. Go! We'll be right back.

nelle tenebre e ciò che in esso vedi esplorabile. ton schnauzer sue à grandes gouttes. Il te lèche la face, mais toi, t'es pas mieux. Il fait chaud, puis tu t'ennuies. Eh bien, bonne nouvelle. Les happenings d'improvisation sont de retour cet été. Les dimanches 20 et 27 juillet, ainsi que les 3, 10, 17 et 31 août, c'est sur la terrasse du Zenob que ça se passe. Les parties d'impro débutent à 20h, parce que l'été, on se fait pas suer. Vous allez voir, c'est aussi rafraîchissant qu'une slush poppy. L'événement n'est pas commandité par Slush Poppy. Slush Poppy, la slush qui est plus le fun à dire qu'à boire. Chaque semaine, Album Classique vous propose de découvrir ou redécouvrir un joyau de l'histoire de la musique. Des géants du rock aux groupes pop plus obscurs en passant par les albums oubliés, Album Classique se donne la mission de vous les présenter dans leur intégralité, telle que souhaitée par les artistes. Album Classique, les vendredis matins, 10h, sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et ça jusqu'à 21h en compagnie de mon agréable personne qui est la mienne, Dr. Pain Pendragon. On vient d'entendre 4 pièces extraites du dernier album de la formation italienne Game Over, soit à l'instant Chuck. C'est auparavant The Eyes of the Mad Gardener, précédé de Seven Doors to Hell, qui jusqu'à présent est ma préférée. Et en ouverture, Masters of Control. Formation relativement jeune, comme je le disais, des jeunes gens dans le vent, âgés entre dans la jeune vingtaine. Formation qui est composée d'Alessandro Sansone, qui est guitariste, Luca Zironi, guitariste et backing vocal, Renato Ciccoli, vocaliste et bassiste, et Anthony D'Antoni, qui est le batteur. Donc, comme je le disais, c'est une formation qui, je trouve, malgré le fait qu'elle soit étiquetée trash metal, ben, elle est étiquetée pour des raisons assez évidentes aussi, se démarque bien quand même, c'est assez intéressant. J'ai donné un 7 sur 10 à Game Over et l'album Burst Into the Quiet. Je trouve qu'il le mérite amplement. Les guitaristes sont excellents, un très très bon picking. Et je trouve qu'il y a une certaine dose d'originalité quand même qui en ressort de cet album. Donc je pense que c'est intéressant de le découvrir si vous êtes amateur du style trash metal. C'est disponible dans tous les bons magasins comme Crosby, Kmart, Home Hardware et compagnie. C'est à côté du WD-40. Voilà. Côté musique aussi. Aujourd'hui se rendait disponible la dernière parution de la formation Hopeth, soit Pale Communion. Moi, honnêtement, j'ai trouvé cet album un petit peu mou. Très bien fait, par contre, doit-on le dire. Mais Hopeth est rendu, avec son précédent Heritage, ils sont rendus à une phase qui est un peu plus, je dirais, cérébrale, quoi qu'ils étaient quand même pas mal au départ, là, mais plus tranquille, cérébralement parlant. C'est pas un album que je vais me permettre de présenter à réanimation parce que je trouve que ça manque un petit peu de torque. Par contre, il sera présenté à Rock Classic lors du retour, soit le 5 septembre prochain, comme je le disais. Rockmaster va en faire une présentation. Lui aussi trouvait que c'était probablement pas le meilleur, évidemment, mais il semblait me dire le week-end dernier que il semblait l'apprécier plus que lors des premières écoutes qu'il avait fait. Donc, c'est à suivre. Moi, personnellement, je lui ai donné un 5 sur 10. J'ai réécouté l'album à maintes reprises et je ne déroge pas de cette note. C'est pas, ça me déplaît pas, mais ça m'emballe pas selon ce que Opeth a fait par le passé, que je trouve carrément génial. Autre chose, Nouvel album pour la formation Gorgasm, formation américaine qui donne dans un brutal death metal. Album qui porte le titre de Destined to Violate. Moi, j'ai trouvé ça assez mauvais, merci. J'ai donné un 2 sur 10. Puis je dis dans ma chronique sur le site de réanimation, qui est réanimationad.com, pub, que je me rappelle maintenant pourquoi j'ai jamais vraiment aimé cette formation-là, que j'avais mis de côté depuis un certain nombre d'années. C'est le quatrième album en 20 ans, hein, faut dire, là. C'est qu'ils sont pas très productifs non plus, là. Je trouve ça toujours aussi ordinaire que c'était. C'est de qualité discutable. Production est pas très bonne. La présentation, la pochette est vraiment nulle à chier, là. C'est vraiment affreux. Les sujets sont aussi très peu intéressants et très discutables. Ça manque beaucoup d'originalité. Donc, 2. Pourquoi 2? Parce que, je filais probablement pour mettre un 0. Non, pas probablement. Je devrais avouer que parce que j'ai trouvé quelques éléments peut-être intéressants, mais pas de façon successive. Donc, dans différentes pièces, certains éléments pouvaient être intéressants qui, mis ensemble, ne feraient pas une pièce de toute manière. Accept, que je vais présenter dans quelques instants, qui porte le nom de Blind Rage, qui est disponible en CD et en vinyle aussi. Belle pochette, belle présentation pour Accept. C'est un album que je trouve un peu plus faible que ses prédécesseurs. Pas mauvais, mais j'ai accordé une note de 6.5 sur 10, qui est pas quand même extraordinaire, mais qui est borderline au très passable. C'est très subjectif, parce que quand on donne des cotations qui marchent en 0.5, on se donne pas énormément de latitude pour faire des nuances. Mais bon, je suis arrivé à un constat de 6.5. Je trouve un peu mou, cet album-là aussi, par moment. Peut-être même trop souvent. Ça manque un peu de punch, ça manque un peu d'attaque. Il y a des bonnes pièces, par contre, là. Faut bien dire, des bonnes pièces, parce que sinon, je me permettrais pas de le présenter, tout simplement. Mais je trouve qu'il est inégal. On va l'écouter dans quelques instants, mais avant, je vais vous parler quelque peu de cinéma, parce que l'heure avance, hein, puis si je vais être capable de faire le tour de ce que j'ai écouté dans le dernier mois, ben, en fait, dernier mois et demi, là, j'aimerais pouvoir... il va falloir que je procède. Sin City 2, Damn to Kill, c'est en salle depuis vendredi dernier. Donc, ça, c'est quelque chose de fort intéressant à voir. J'ai écouté quelques trucs le week-end dernier. Pas énormément, mais quand même. Je vous ai déjà parlé de la firme de production Hammer Film Production. Une compagnie de production cinéma, principalement d'horreur, qui est britannique, qui avait fermé ses portes en 1980, mais en fait, on avait tiré la sauce peut-être un peu jusqu'à 81, 82 avec une télésérie, en fait deux téléséries qui avaient pas eu énormément de succès. Et la firme avait complètement arrêté ses activités jusqu'à ce qu'en 2007, quelqu'un se porte réacquéreur du catalogue et aussi se mette à reproduire des nouveautés avec différents cinéastes. En fait, à ce jour, en 2014, depuis 2007, il y a 6 productions qui sont sorties. Moi, j'en ai apprécié, je dirais, 2 et 3 quarts à peu près sur les 6. C'est du cinéma underground. C'est encore de la série B, comme la Hammer le faisait dans les années 50, 60 et 70 principalement, leur séquence de films d'horreur, parce qu'ils ont eu des films plus noirs et policiers au préalable. Je suis un fan de la Hammer parce que c'est des films qui jouaient énormément sur le scénario, sur le acting des personnages, des acteurs, mais aussi sur l'ambiance qui s'en dégageait. C'est totalement différent ce qu'ils font maintenant parce que c'était prêté, c'est conçu à une source beaucoup plus moderne. Mais il reste que il y a certains trucs qui sont intéressants. J'ai écouté leur dernière parution qui porte le nom de The Quiet Ones. Qui est paru il y a peu de temps, qui donne dans une horreur occulte, et qui est un film de John Pogue, que je ne connaissais pas du tout. C'est inspiré de faits réels, ce qui a attiré ma curiosité. Puis qui raconte l'histoire d'un professeur qui a des méthodes assez particulières et qui utilise des méthodes même controversées. Il se sert de ses meilleurs élèves pour tenter des expériences qui sont relativement dangereuses avec l'occultisme et les forces de l'au-delà, entre guillemets. Tout ça dans le but de pouvoir guérir une jeune fille qui, semble-t-il, est possédée par un personnage malin, un esprit, pas un démon, mais un esprit. L'esprit démoniaque pour le moins. Et il est très charismatique et ça fait même... pourrait penser même un peu une secte, là, si on veut, au départ. Là. C'est intéressant par moments, mais c'est très décousu. Et les personnages à la longue deviennent un peu casse-pieds. Je pense qu'avoir un sujet qui supposément est tiré de faits réels, ils auraient pu vraiment exploiter encore plus le concept, en pousser plus loin, parce qu'on a des moments de longueur qui nous font décrocher de ce qui pourrait être généralement intéressant. Donc, c'est pas totalement pourri, faut que je le dise honnêtement, mais ça mérite selon moi pas plus qu'un 5.5 sur 10. Si je fais un comparatif avec The Woman in Black, qui était paru il y a quelques années, qui, ma foi, était fort intéressant. C'était un des très bons films d'horreur que j'ai vu jusqu'à présent, depuis les années 2000. Ça fait un peu pitié. D'ailleurs, au même titre que peut-être Wakewood, qui est aussi un film qui a été produit par la Hammer assez récemment, il y a quelques années, qui était moins bien que The Woman in Black, mais quand même assez intéressant. The Quiet Ones, ça manque de piquant. Qu'est-ce que je voulais? Oui. OK. Un film de 2010 que j'ai découvert pendant que ma période de vacances. C'est un film d'horreur, un film de zombies qui s'appelle The Dead. C'est un film des frères Ford, The Ford Brothers, qui met Rob Freeman, Prince David Oseia et David Danto en vedette. C'est un film de zombies qui se passe en Afrique. C'est poche. C'est vraiment poche, pas parce que ça se passe en Afrique, mais simplement parce que le film est pas très bon. C'est très très lent, c'est très long, c'est très prévisible. Par contre, les zombies sont relativement bien, je dois le dire. Le acting est assez ordinaire aussi. Donc, selon moi, ça mérite pas plus qu'un 3 sur 10. Une série que j'ai découvert sur le tard, mais que je dévore, que j'ai pratiquement, terminé de dévorer les 5 saisons. Enfin, une série qui a débuté en 2008. Ben, j'en conçois que je connaissais le titre, je me l'étais même fait conseiller. Mais devant l'ampleur des choses que je voulais écouter initialement, j'étais passé à côté. Et à mon grand regret, parce que c'est probablement une des meilleures séries que j'ai écoutées de ma vie. Il s'agit de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une dramatique criminelle, à tendance très criminelle, qui met en vedette Bryan Cranston. Et Bryan Cranston, si vous voulez vous le situer, eh bien, c'était le père un peu déjanté et cabotin qu'on retrouvait dans Malcolm in the Middle, une espèce de sitcom là qui a un certain nombre d'années, qui a eu quand même pas mal de saisons et qui par moments je trouvais assez drôle, je dois dire. Bryan Cranston, on le retrouve aussi dans le nouveau Godzilla. Il a pas le rôle principal parce que dans le premier tiers du film, il décède là, mais c'est lui, personnage très je dirais coloré. Il est très bien supporté par Aaron Paul et je dois dire que c'est vraiment excellent comme série. C'est une dramatique criminelle, comme je le disais, qui raconte l'histoire d'un prof de chimie qui est un peu paumé, mais qui est très très brillant, mais qui a eu des revers de fortune et qui se fait déclarer un cancer inopérable. Et vous savez qu'aux États-Unis, si on n'a pas des assurances à la hauteur, eh bien, ça risque d'être fort ruinant de se faire traiter dans les hôpitaux. Donc, lui, pour être capable de dire je vais peut-être envisager les traitements, mais je vais surtout vouloir mettre ma famille à l'abri des besoins lorsque je vais être décédé, parce qu'on parle, dans le début de la série, de quelques mois de survie, eh bien, il décide de s'associer avec un petit dealer de relativement bas étage, mais qui a quand même pas mal de guts, Jesse Pinkman, de son nom de personnage, pour se créer un laboratoire de méthamphétamine et de créer sa propre recette, parce que c'est un chimiste vraiment brillant. tout tourne autour de ça. Il cache ça à sa famille, et ainsi de suite. Mais ils réussissent tous les deux, et principalement lui, je dirais, épisode après épisode, de se mettre les pieds dans les plats, mais dans des situations qui sont absolument délirantes et par moments fort dangereuses. C'est extraordinairement original comme série. C'est très bien joué. C'est très, très, très bien mis en scène. Moi, je suis incapable d'écouter un épisode. Il faut que je m'en tape 2, 3, 4, puis 5. Parce que c'est vraiment, vraiment bon. C'est originalement tiré de AMC Channel. C'est disponible en DVD Blu-ray, bien sûr. Breaking Bad, 2008 à 2013, 5 saisons. C'est tout simplement excellent. Et cette semaine, le film que je vous recommande de revoir ou de découvrir, il s'agit d'un film tiré des Dark Horse Comics, un film d'action et de science-fiction, c'est Hellboy. Le premier Hellboy, bien sûr, de 2004, qui est un film de Guillermo del Toro, qui met en vedette Ron Perlman et Selma Blair. C'est un film auquel j'accorde toujours un 8.5 sur 10. C'est vraiment excellent. C'est vraiment la découverte du Hellboy qui est un jeune garçon de l'enfer, mi-homme, mi-bête, si on veut, et qui a été découvert lors des expériences que le Troisième Reich effectuait, expériences très occultes pour être capable d'aller rechercher des pouvoirs particuliers et occultes, bien sûr, surnaturels, afin de pouvoir gagner cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est découvert lors d'une de ses expériences. Et le personnage grandit. Il devient au service, pour ainsi dire, de façon, je dirais, un peu déjantée, du bien. C'est vraiment très bon. Ron Perlman, c'est un très bon acteur. On peut le retrouver principalement dans une série qui est fort populaire présentement, qui devrait voir la 7e saison cet automne prochain, soit Sons of Anarchy. Ben, on l'a vu, en fait. On le verra probablement plus, évidemment. Si vous n'avez pas vu la série, je peux pas vous dire pourquoi vous le verrez plus. Mais il était là jusqu'à la 6e. C'est bien fait. C'est excellent. Graphiquement, c'est impeccable. Et c'est fort intéressant comme scénario. Donc, c'est ce que je vous recommande. Allons-y maintenant avec la nouvelle parution de Blind Rage. Blind Rage de Accept, qui, ma foi, est selon moi un peu inégal et quelques faiblesses, mais tout de même, je vous en laisse vous faire une idée. 4 pièces de Accept Blind Rage, let's go! Drop this promise.

Black disease. Que faites-vous les mercredis 13h? Voulez-vous qu'on en jazz? Installez-vous et préparez-vous à écouter la meilleure musique jazz. De Diana Krall à Ella Fitzgerald et les nouvelles sensations comme Emily Claire Barlow, vous apprendrez à aimer le jazz ou à continuer d'aimer ce style musical indémodable. Voulez-vous qu'on en jazz? Tous les mercredis 13h sur les ondes de C'est fou. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Progression onirique, émission musicale de métal progressif et de power metal tous les lundis soirs à 20h. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 42 et vous êtes encore pour 18 minutes à l'écoute de Réanimation sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. On vient d'écouter 4 pièces tirées du dernier album des Allemands Accept. L'album étant Blind Rage. 4 pièces dont étaient les titres suivants Fall of the Empire, Dark Side of My Heart, Dying Breed et Stampede. Vous avez probablement compris pourquoi je disais que je trouvais l'album mou. Ben, évidemment, pour les amateurs purs et durs de heavy metal traditionnel, probablement que ça fait partie de ce qu'ils aiment. Moi, un peu moins. Fall of the Empire, la dernière pièce qui était précédée de Dark Side of My Heart, montre bien cette espèce de mollesse un peu balade sur les bords que je trouve fatigante et agaçante. Ils sont pas tous comme ça, les pièces, évidemment, parce qu'il y en a de très bonnes. C'est ce qui justifie mon 6.5 sur 10, parce que sinon, si les pièces avaient été à l'exemple de Fall of the Empire, dans Fall of My Heart, probablement que je vais donner un 2. Ou peut-être moins. Mais malheureusement, il y a des pièces qui rachètent ce côté-là. Mais je le dis toujours, c'est subjectif, évidemment. C'est selon mes goûts personnels que j'en fais la description. Peut-être que pour vous, ce sera autre chose. Et si c'est le cas, c'est parce que vous avez pas de goût. Bon, ceci étant dit... La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission spéciale en tant que telle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émission. Il n'y en a pas spéciale en tant que telle. Il n'y a pas de présentation. Ce seront des... c'est une programmation tout à fait régulière. C'est-à-dire dans les faits assez irrégulières. Probablement aussi très plate. Peut-être même désespérante. Peut-être que d'entre vous se disent « Vas-tu arrêter de parler? Vas-tu arrêter ton émission? » Ben, il y a pitié, il y a juste 17 minutes. Votre calvaire achève. Mais, dans deux semaines, je ferai un spécial uniquement années 80. Avec de l'excellent New Wave, tel Wham. Non, Wham, c'est pas du New Wave. Mais tiens, voilà, pourquoi pas, allons-y avec Gary Numan. Ah là là là. C'est une blague d'initié. D'accord. La semaine prochaine, effectivement, il n'y a pas d'émission spéciale. Dans deux semaines, ça sera un spécial métal années 80. On retrouvera plusieurs types de métal, mais enfin, à peu près tous les styles qui se faisaient dans les années 80. À part, probablement, ce qui était qualifié de power metal. Ça, on risque pas d'en retrouver. Donc, on va se quitter. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Il y a une petite chronique spéciale, bien entendu, parce que Brave Concert International présente le vendredi 5 septembre prochain au Foufounes Électrique The Cade of Guilt, le tour américain 2014 qui met en vedette Arsis, Allegahan et Ex Mortus. C'est à 19h. Il en coûtera 15$ et 20$ taxes incluses pour y assister. Fofone électrique. Le jeudi 25 septembre au Club Soda, c'est Belphegor dans le cadre de Voices from the Dark 2014. Belphegor, Rotting Christ, Beheaded His Vart Crown. C'est à 19h au Club Soda au coût de 21,74 et 26,09. Plus taxes. Billetterie du Club Soda, The Side, de retour, en compagnie de Septic Flesh, Inquisition, Abysmal Down et Karak Hengren. C'est au théâtre Corona le vendredi 10 octobre prochain à 19h au coût de 25$ et 30$ taxes incluses. Disponible à billetterie du théâtre Corona. Belle place, théâtre Corona, pour voir des spectacles, soit dit en passant. Levity, en compagnie de Tyr et Metzatol, samedi le 18 octobre prochain à 20h au théâtre Corona. 25 et 30$ pour y assister. Arch Enemy en compagnie de Creator, Huntress et Starkill, lundi le 27 octobre prochain à 19h au Metropolis, au coût de 30 et 43 et 34 et 78. Plus taxes, je suis certain que mon ami, le Rockmaster, va y aller. Et le Carnival of Death 2014 présentera Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Eternal Bleeding, lundi le 3 novembre prochain à 18h au Fofoines électriques au coût de 22$ et 27$. Voilà. Nous allons nous quitter avec... Bah, en fait, je vais peut-être revenir en onde après une ou deux pièces si j'ai le temps, parce que c'est certain que j'ai impossible de passer tout ce que j'avais programmé pour le dernier bloc. Mais on va quand même aller écouter du Meshuga. Mais tout de suite, on va commencer avec Malakesh, Letters to Sumeria, qu'on retrouve sur MS Cherries, qui est paru en 2006. Go! Meshuga. J'adore cette formation. C'est tiré de l'avant-dernier album complet studio de Meshuga, formation qui vient de Suède et qui donne dans un métal technical groove experimental metal à tendance, ma foi, déjantée par moment, mais c'est tellement bon. Obscene, qui est paru en 2008, en fait, qui est paru précisément le 7 mars 2008 sur Nuclear Blast. Album qui avait eu, je dirais, relativement une critique favorable. Je sais pas pourquoi. Il était un peu particulier, cet album-là, parce que comme vous avez pu voir, entre autres, dans cette pièce-là, qui était Bleed, ben, il y a certaines répétitions qui se font. Ça devient un peu martelant à un certain moment donné. Faut aimer le style, bien entendu. C'est pas accessible à tout le monde, j'en conviens. Mais, moi, j'ai accroché rapidement cette formation-là, et puis, j'ai toujours trouvé tout bon ce qu'ils ont fait, mis à part, ben, c'est pas vrai. Catch 33, c'est l'album le plus faible, selon moi, qui est paru en 2005. C'est pas mauvais. C'est juste que on nous a habitué, Meshuga, à avoir des pièces qui sont relativement longues, avec certains développements, tandis que Catch 33, c'est des pièces des fois d'une minute 40. La plus longue, vous voyez, je suis pliste présentement, là, c'est 13 minutes 22. Ça veut dire, oui, c'est long, mais c'est une pièce qui est assez particulière, In Death. C'est pas extraordinaire comme pièce tout au long de son pseudo-développement, mais à part ça, les pièces les plus longues, c'est 4 minutes 30, 2 minutes 29, donc je vois pas, là, je comprends pas le concept que Meshuga a adapté avec en 2005 avec cet album-là. Par contre, Obscene, c'est excellent. C'est même parfois, je dirais, massif, comme je l'ai dit, martelant. Donc, les amateurs, donc je sais, Tower en est un. Donc, c'est quelque chose qu'on doit posséder. Juste avant, nous avions une excellente formation. Il s'agit de Marrakech. Marrakech, qui est une formation originale de Jérusalem, si je ne m'abuse, qui maintenant vit dans les Pays-Bas pour diverses raisons qui sont généralement politiques. Marrakech est la pièce Letters to Sumeria que l'on retrouve sur Emissaries, album qui est paru en 2006 sur Osmos Production. C'est malheureusement, je dois dire, de Marrakech que généralement parlant, les productions, par moment, laissent quelque peu à désirer. C'est un petit peu inégal au niveau de la qualité de la production, mais les pièces sont super bonnes. Donc, on peut peut-être faire un petit peu fi de ça, de cette perte de qualité-là, parce que la qualité musicale, la composition est au rendez-vous. Moi, j'ai pas le temps de vous passer à autre chose. Il faut aller en pause publicitaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission de format type régulier, entre guillemets. Et d'ici là, bien entendu, vous devrez respecter les bons conseils de votre docteur et tous vous faire foutre. See you!